Le 10 octobre, le journal sud-coréen MinPlus a inséré un article sur l'opposition de la population de différentes régions, y compris la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord, à la disposition de SAD.